1571, le film de Jonathan Mostow raconte l'arraisonnement en 1941 d'un U-boat allemand par des sous-mariniers américains. L'opération est d'autant plus importante qu'à bord du bâtiment allemand se trouve un exemplaire d'une machine à coder, une de ces fameuses machines Enigma, dont les services alliés s'efforcent de percer les secrets. Je vous passe les péripéties du film, mais sachez quand même que, comme dans tout bon spectacle hollywoodien, il se conclut par un happy end. Grâce au courage des sous-mariniers américains, Enigma est donc subtilisé et le sort de la bataille de l'Atlantique s'en trouvera modifié. Trahison fulmine les Britanniques cet exploit et nôtre, Hollywood a triché avec l'histoire. C'est vrai, tout à fait vrai. Mais ce qu'oublient peut-être un peu trop facilement nos amis anglais, c'est que l'histoire est beaucoup plus compliquée et que si les mystères de la machine à coder allemande ont été effectivement percés, c'est d'abord grâce au mérite conjugué des services français et polonais. Cette affaire a d'ailleurs été longtemps l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est qu'au début des années 70 qu'on a commencé à entrevoir la vérité et que les témoins ont reçu l'autorisation de parler. Quand j'ai appris la sortie de ce film américain, j'ai donc tout naturellement demandé à Monsieur X de me dire ce qu'il savait, lui, des secrets d'Enigma. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Peut-être connaissez-vous cette histoire, mais elle donne bien la mesure de l'importance d'Ultra. Attendez, Ultra, qu'est-ce que c'est Ultra ? La source Ultra, c'est le nom de code donné par les Britanniques à toutes les informations obtenues grâce au décryptage des communications émises par les machines allemandes Enigma. On est à la fin 1940, en novembre exactement. Ultra livre une information de taille. Quoi ? L'annonce d'un bombardement massif de la Luftwaffe sur la ville industrielle de Coventry, selon Ultra. Plus de 500 bombardiers doivent prendre l'air en direction des côtes anglaises. Une opération massive. Et qui risque de faire de nombreuses victimes, car si c'est évident, les sites industriels seront d'abord visés en priorité, il y aura forcément des dégâts considérables dans la ville même. Ça veut dire qu'il est possible de prendre des précautions, enfin de renforcer les défenses aériennes, et surtout d'évacuer les populations menacées. Bien sûr, mais si toutes ces précautions sont prises, les Allemands sauront que les Britanniques ont eu vent de leur raid. Ils chercheront donc l'origine de la fuite. Pire, ils modifieront peut-être leur système de transmission codé. Par conséquent, agir préventivement, c'est mettre en péril la sauvegarde de la source Ultra. Mmh. Oui, mais ne pas agir, c'est sacrifier des centaines, peut-être même des milliers de gens. Vous avez raison. Et Churchill, car la décision finale lui est revenue, a dû se trouver en face du pire dilemme qu'il ait jamais connu. Mmh. Un sacré cas de conscience, en effet. Et sa décision, alors ? Coventry a été sacrifié. Car le Premier ministre a pensé avec juste raison qu'Ultra était un atout majeur dans la lutte contre Hitler et qu'il fallait donc à tout prix protéger cette source exceptionnelle d'information. Bref, il a joué l'avenir contre le présent. D'accord, mais enfin, à quoi sert d'obtenir des informations aussi importantes si on ne peut pas les exploiter ? C'est une question qui se pose en permanence dans tous les services secrets. Pour protéger une source, un espion, on garde longtemps sous le coude des renseignements très précieux de peur d'alerter l'adversaire. On peut même se demander dans ces conditions si les espions servaient quelque chose. Enfin, c'est une autre question. Oui, vous le verrez, les manœuvres de protection autour d'Ultra deviendront de plus en plus sophistiquées. Un seul exemple, à Londres, à l'état-major de la marine, on apprend la localisation exacte d'un sous-marin allemand. Et si on envoie aussitôt un bâtiment pour le détruire, on montre qu'on peut... Des renseignements de premier plan. C'est ça. Alors on organise une fausse reconnaissance aérienne. Et après seulement, on peut se lancer à la chasse du sous-marin, vous comprenez ? Oui, je comprends, mais le bilan à Coventry ? Plus de 500 morts, des milliers de blessés et une ville quasiment détruite. Vous voyez que le prix à payer pour sauver Ultra a été énorme. Mais malgré ces horreurs, je vous assure que le jeu en valait la chandelle. Alors, cette machine Enigma, expliquez-moi ce que c'était. Volontiers. Enigma, c'est une sorte de machine à écrire électrique. L'opérateur tape son texte en clair sur le clavier et il en ressort automatiquement crypté sur un tableau lumineux. Il peut alors le transmettre. Par radio ? Par radio, oui. Mmh. Et seul un opérateur possédant la même machine peut effectuer la manœuvre inverse, c'est-à-dire obtenir le texte en clair à partir du texte crypté. Naturellement, le système n'est pas aussi simple. Il faut que les deux opérateurs utilisent également un même carnet de codes qui permet de régler à l'identique les machines. Ces codes changeant régulièrement au fil des jours ou des semaines. Ça, c'est le principe, là, mais le fonctionnement ? Bon, écoutez, je ne vais pas me lancer dans des explications techniques que je serais d'ailleurs bien en peine de vous fournir, moi. Sachez seulement qu'à l'intérieur de la machine, il existe un certain nombre de rotors, des brouilleurs en fait, qui en tournant cryptent les uns après les autres le signal électrique émis par l'opérateur lorsqu'il tape son message. Ouais. Et la performance de cette machine Enigma ? Au fil des perfectionnements, car il y en a beaucoup, on calculera que la machine Enigma, celle en tout cas qui était en fonctionnement en 1939 au début de la guerre, pouvait fournir 1 000 000 000 de combinaisons. Et donc à une époque où l'ordinateur n'existait pas, ces messages étaient indéchiffrables. Tout à fait. Ouais. Et c'était une invention allemande. Oui, essentiellement. C'est un certain Scherbius qui est à l'origine d'Enigma. Qu'était ce Scherbius ? Un inventeur féru de technologies modernes et qui multipliait les innovations dans tous les domaines. Une sorte de géotrouve-tout. Exactement. Je ne sais pas comment il s'est intéressé à la cryptographie. En tout cas, cet esprit délié s'est dit qu'à l'âge de l'électricité, tous les vieux procédés de cryptographie qui venaient d'être encore utilisés pendant la guerre de 14-18 étaient à mettre au rancard. Bref, plus de crayons, plus de papier, plus de combinaisons chiffrées complexes, mais des machines. Ouais, des machines qui font le travail à la place du spécialiste du chiffre. Voilà. Et ce Scherbius a essayé de vendre son invention, j'imagine. Bien sûr, il a pensé à plusieurs clients possibles. C'est-à-dire l'armée d'abord. Oui, l'armée, mais aussi les entreprises. Pourquoi les entreprises ? Enigma leur permettait de garantir le secret de leurs communications commerciales. Et puis Scherbius a aussi contacté le ministère des Affaires étrangères. Ça me semble plus logique. Et est-ce que le succès commercial a répondu à ses attentes ? Non. Il ne faut pas oublier qu'à l'issue de la Grande Guerre, l'Allemagne était ruinée. C'était le marasme. Or, les machines de Scherbius n'étaient pas données. Mmh. Ah, il aurait pu vendre son invention à l'étranger. Sans doute. Mais cet entre-deux-guerres baignait dans une sorte d'euphorie pacifiste après la grande tuerie de 14-18. Songez par exemple qu'aux États-Unis, le secrétaire d'État Stimson a mis fin aux activités du cabinet noir. Le cabinet noir, c'est-à-dire le service du chiffre. Et du décryptage des communications. Mmh. Donc Stimson a supprimé ce bureau, prétexte que ce n'était ni moral ni bien élevé de lire la correspondance d'autrui. Naïveté ? Sans doute. Mais la donne va soudain changer en Allemagne au milieu des années 20, à cause de Churchill. Et que vient-il faire là-dedans ? En ces années-là, il publie un ouvrage sur la Première Guerre mondiale où il révèle que pendant le conflit, les Britanniques avaient cassé le code allemand et pouvaient lire à livre ouvert toutes les communications chiffrées de la Kriegsmarine. Pour les militaires allemands, ça a été un véritable électrochoc. Et la chance de Scherbius, c'est ça ? Exactement. En quelques années, ces machines vont équiper toutes les unités allemandes. Il va en vendre des dizaines de milliers. Les Enigma d'un modèle encore plus perfectionné que celui qui a été proposé aux entreprises. Ouais. J'imagine que les services étrangers vont assez vite découvrir cette modernisation. Naturellement, parce qu'ils captent des communications radio qu'ils sont tout à fait incapables de déchiffrer. Et les premiers à s'inquiéter, ce sont les Polonais. Parce qu'ils se sentent directement menacés, c'est ça ? Évidemment, la Pologne a recouvré son indépendance après la guerre, et pour exister, elle a en particulier regagné des territoires à l'ouest qui étaient avant-guerre occupés par l'Allemagne. Et les plus lucides des Polonais ne doutent pas qu'un jour ou l'autre, Berlin voudra remettre la main sur ses terres. Donc, plus que d'autres, ils sont à l'affût. Et dès la mise en service des Enigma, ils vont tout mettre en œuvre pour essayer de percer les secrets de ces machines apparemment inviolables. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le journaliste du Monde, Jean Planchet, spécialiste des questions militaires, a publié avant l'été un long article sur les mystères d'Enigma et la sortie très critiquée du film U-571 en Grande-Bretagne. Il confirme les craintes des Polonais. La Pologne, après la Première Guerre mondiale, avait suivi d'un œil suspicieux, non sans raison, les activités militaires de l'Allemagne qui reconstituaient plus ou moins discrètement ses forces. Les cryptographes avaient du pain sur la planche. Comme le rappelle dans une étude inédite l'historien Gilbert Bloch, la guerre de 14-18 avait vu un énorme accroissement des liaisons radiographiques à usage militaire, les messages étant captés aussi bien par leur légitime destinataire que par l'adversaire, et les systèmes de chiffrement s'étaient multipliés. Le service secret polonais, l'Expo Situra et sa section 4, commandée par le lieutenant-colonel Guido Langer, découvrirent en 1928 que Berlin utilisait un nouveau chiffre. La marine allemande avait acheté en 1926 à un docteur Scherbius des machines à crypter à usage commercial. Une machine commerciale modifiée fut mise en service le 9 février 1926, puis ce fut, en 1928, le tour de l'armée de terre qui apporta de nouveaux perfectionnements à Enigma. C'est cette dernière qui resta en service avec quelques perfectionnements jusqu'à la fin de la guerre. Ramenée aux proportions d'une machine à écrire, elle fut, selon de récentes estimations, construite par les belligérants à 40 000 exemplaires. Le défi était colossal pour les Polonais, parce qu'on n'avait encore jamais utilisé une machine à cryptographie aussi performante. Mmh. Alors comment ont-ils procédé ? D'abord, les services secrets de Varsovie ont recruté une poignée de brillants mathématiciens. L'un d'eux s'appelait Marian Rejewski, et il va jouer un grand rôle dans cette histoire. En deuxième lieu, les Polonais ont réussi à s'emparer d'un exemplaire commercial d'Enigma. Mmh. C'est-à-dire une machine beaucoup moins sophistiquée que celle qui est utilisée par les militaires allemands. C'est juste, mais cette machine, même rudimentaire, permettait quand même de comprendre le principe du chiffrage et le fonctionnement de ces rotors dont je vous ai parlé. Et Rejewski a progressé, mais très rapidement il s'est trouvé devant une impasse. Ses recherches étaient d'autant plus compliquées que les Allemands changeaient chaque jour de clé. Mais heureusement, la chance est venue à son secours. La chance ? La chance, oui. Et c'est là que nous, Français, allons intervenir de façon décisive. Ouais, les Français, les services français, vous voulez dire ? Oui, le deuxième bureau, je vous raconte. C'est une histoire assez extraordinaire. Mais je vous écoute. Alors. En 1931, alors que depuis au moins 3 ans, le mathématicien Rejewski s'acharne sur Enigma, un homme se présente à notre ambassade de Berlin et demande à parler à l'attaché militaire. Qui est cet homme-là ? Il ne donne pas son identité, mais il affirme qu'il est en possession de documents très intéressants pour la France. Quoi ? Il ne le dit pas. Mm-hmm. J'imagine que l'attaché militaire doit le considérer avec une certaine suspicion. Bien sûr, d'autant que quand c'est en troublé, une provocation n'est pas impossible. Donc, ce personnage est évincé. Mais prudent, l'attaché militaire lui a quand même demandé comment il pourrait le joindre au cas où... Il avait quand même des doutes. Alors. Oui, et certainement peur de passer à côté de quelque chose de sérieux. Quoi qu'il en soit, nos hommes ont dû essayer d'en savoir plus. Et un contact est établi quelques temps plus tard entre un agent français et cet homme. Où ? En Belgique, pour des raisons de prudence, évidemment. Bon, alors cet homme, qui est-il ? Il s'appelle Hans Thilo Schmidt. Et il est fonctionnaire à la section du chiffre au ministère allemand de la guerre. Un poste très sensible. Très attractif pour notre service de renseignement. Ouais. Et ce Schmidt est réellement en possession d'informations intéressantes ? Oui. Non seulement il possède les codes chiffrés en usage dans l'armée allemande, mais il a une connaissance très précise du fonctionnement de la mystérieuse machine Enigma. Mmh. Mais pourquoi est-il prêt à trahir son pays ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Hein ? Tout à fait. La raison apparente, c'est l'argent. Schmidt veut de l'argent, beaucoup d'argent. Mais il y a une autre raison, c'est ça ? Oui. Une raison plus profonde, j'allais dire plus humaine. Hans Thilo Schmidt est un frustré. Sur quel plan ? C'est un fils de bonne famille. Il a fait la guerre, comme tous les jeunes hommes de sa génération, et il a pensé faire carrière dans l'armée, mais on n'a pas voulu de lui. Pour quelle raison ? Bon, ça, je ne sais pas exactement, mais vous savez qu'après la guerre, en raison des clauses du traité de Versailles, l'armée allemande a dû réduire considérablement ses effectifs. Enfin, bref, Schmidt s'est retrouvé sur le pavé. Ouais, comme des millions d'autres chômeurs à l'époque. C'est vrai. Ouais. Mais Schmidt a supporté encore plus mal que d'autres son dénuement, d'autant que son frère cadet, Rudolf, commençait lui une brillante carrière d'officier dans l'armée. Ouais, il était jaloux. Assurément. Mmh. Surtout quand il s'est trouvé obligé d'appeler son frère à son secours. Mmh. Et son frère a répondu ? Oui, Rudolf Schmidt, qui a fini général, a réussi à faire embaucher son frère aîné au bureau du chiffre. Mmh. Ah, il était sorti d'affaire alors ? Sans doute. Mais ce n'était qu'un emploi subalterne, mal payé de surcroît. Et Hans Thilo n'a cessé de remarcher son aigreur. Alors c'est ainsi qu'un jour de 1931, c'est ça ? Mmh. Il s'est présenté à notre ambassade. Oui. Et ce premier contact a donc été suivi par un rendez-vous en Belgique. Un rendez-vous où Schmidt n'est pas arrivé les mains vides. Mmh. Qu'amenait-il avec lui, alors ? Contre le paiement d'une somme de 10 000 marks, il a fourni à notre agent des documents sur l'utilisation d'Enigma et sur les branchements internes qui en garantissaient le secret et démultipliaient les possibilités de combinaison. Ouais. Donc c'était toute la différence entre une Enigma commerciale comme celle dont disposaient les Polonais et une Enigma militaire. C'est à peu près ça, oui. Enfin, toutefois, il manquait un élément essentiel. C'était la clé. Ou plutôt, ces clés qui étaient modifiées presque quotidiennement et qui seules permettaient de déchiffrer les messages envoyés par Enigma. Les Allemands avaient d'ailleurs prévu qu'une de leurs machines pourrait un jour être subtilisée ou tomber entre des mains hostiles. Sans la clé, elle resterait parfaitement inopérante. Mais les Français possédaient-ils un seul exemplaire d'Enigma, non ? Non. Non, non, et à l'époque, après les premières livraisons de Schmidt, ils ont essayé de construire une Enigma. Mais la tentative s'est traduite par un échec. J'ajoute que les Anglais à qui ont été communiqués un certain nombre des documents de Schmidt se sont révélés également impuissants. Et il n'existait aucune coopération avec les Polonais ? J'y viens. La Pologne était notre allié, vous le savez. Donc, assez naturellement, quand notre service de renseignement constate son échec et celui des Britanniques, l'officier responsable du bureau du chiffre, le capitaine Bertrand, fait le voyage de Varsovie. Inutile de vous dire qu'il est accueilli à bras ouverts par ses collègues polonais. Parce qu'avec les documents transmis par Schmidt, ces Polonais vont enfin pouvoir progresser dans leur connaissance d'énigmes. Oui, mais ils vont tout de suite construire des énigmes fonctionnant exactement comme celles qui sont utilisées par l'armée allemande, avec les mêmes connexions. Et il n'en manque plus à eux aussi qu'une chose. Bah, les clés. Enfin, et ces clés qui figurent sur des tableaux régulièrement envoyés aux unités équipées d'énigmes. Les opérateurs élisent donc jour après jour la clé qu'ils doivent utiliser pour pouvoir être reçus en clair par les énigmas de leurs interlocuteurs. Les Polonais demandent donc à leurs collègues français d'essayer de se procurer un de ces fameux tableaux, même un vieux. Mm-hmm. Quel est l'intérêt de posséder des clés anciennes et qui ne sont donc plus utilisées ? C'est simple. Les Polonais, comme leurs homologues français et anglais, enregistrent systématiquement les messages radio chiffrés émis par les Allemands. Et ils les gardent en attendant le jour où ils pourront les déchiffrer ? C'est à peu près ça, oui. Et les Polonais se disent que s'ils disposent des clés utilisées à l'époque, ils pourront effectivement déchiffrer ces messages anciens, mais surtout, ils pourront mieux comprendre les systèmes de cryptage des Allemands. Et ils en tireront peut-être des règles mathématiques susceptibles de les aider à lire des messages récents. Ouais. Donc par conséquent, il fallait que la taupe des Français, la Schmitt, parviennent à subtiliser des tableaux de clés. Et c'est ce que Schmitt fait contre le versement de quelques nouveaux paquets de centaines de marques. Mmh. Et grâce à cette nouvelle livraison, les Polonais vont progresser ? Oui. Rejewski était vraiment un type génial. Et après avoir analysé les documents fournis par notre service de renseignement, il a eu une idée fantastique. Il a raconté ? Il a fait fabriquer de nombreux exemplaires d'Enigma en les faisant travailler en parallèle. Il a conçu une nouvelle machine, une bombe, comme il l'a appelée. Pourquoi ce nom, la bombe ? Parce que lorsque la bombe était en fonctionnement, elle faisait beaucoup de bruit. C'était un formidable engin, l'ancêtre de nos ordinateurs, et qui était capable de rechercher mécaniquement la clé du jour en essayant successivement et très rapidement toutes les combinaisons possibles. Mmh. Enigma était donc vaincu ? Provisoirement, oui. Mais vous allez comprendre pourquoi. Ici, je voudrais faire une parenthèse capitale. En plein accord avec notre service de renseignement, Hans Thilo Schmitt avait adhéré au parti nazi. Et ça lui a permis de grimper dans la hiérarchie. Ouais, il a été promu. Mmh. Tant et si bien qu'il a été nommé dans un nouvel organisme créé par Göring. Un gigantesque centre d'écoute capable d'intercepter toutes les communications nazies. Un système d'espionnage interne. Oui, parce que le Führer se méfiait de tout le monde. Et c'est ainsi que, niché au cœur de cette organisation, notre taupe Schmitt a pu avoir connaissance dès 1937 des plans expansionnistes de Hitler. Et il a pu les communiquer aux Français ? Tout à fait. Vous comprenez ce que ça signifie. Dès 37, et donc un an avant Munich, nous savions que les nazis annexeraient l'Autriche, envahiraient les Sudètes et finiraient par fondre sur la Pologne. Autant de renseignements qui ont pourtant été superbement ignorés par les hommes au pouvoir et la hiérarchie militaire. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Hans Thilo Schmitt, nom de code HE, a sans doute été l'espion le plus important de nos services avant-guerre. Dans la somme que Pascal Krop a consacrée à l'histoire de l'espionnage français, je lis ceci. Pendant ces 8 années, outre le suivi des informations sur Enigma, l'agent HE prévint de tout et à temps programme détaillé du réarmement de la future Wehrmacht, doctrine de grandes unités blindées. HE annoncera aussi la nuit des longs couteaux du 1er juillet 1934, la réalisation par Göring et sous 2 ans d'une Luftwaffe de 1600 appareils, l'occupation de la Rhénanie, l'Anschluss, l'invasion de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et enfin, dès le 10 mars 1940, la probabilité de ce qui sera 2 mois plus tard, l'offensive Rundstedt-Guderian sur l'axe Sedan-Saint-Quentin-Abbeville. Et pourtant, écrit encore Krop, Schmitt a failli être découvert en 1937. Le 5 novembre de cette année-là, Hitler avait présenté à son grand état-major le programme de la conquête allemande pour la période de 1938-1948. Tchécoslovaquie, automne 38, Pologne, automne 39, France, printemps 41. Le Führer avait chargé du procès-verbal de cette conférence son aide-de-camp, le colonel Hosbach, lequel avait évoqué le plan grandiose devant son ami, le général Rudolf Schmitt, qui en avait parlé à son frère Hans Thilo. HE avait aussitôt rédigé une note à faire passer d'urgence par la valise diplomatique de Berlin. Mais à l'ambassade française, Maurice Dejean, correspondant du service de renseignement, et André-François Poncet, l'ambassadeur, avaient prévenu Paris par message. Ils auraient dû savoir que le Forschungsamt intercepterait. Ce Forschungsamt était la station d'interception des communications créée par Göring. 6 ans plus tard, c'est à cause de cette regrettable erreur des diplomates français que Schmitt sera démasqué puis exécuté. Le livre de Pascal Krop, Les secrets de l'espionnage français, a été publié chez Jean-Claude Lattès. Je reviens sur ce que vous avez dit. Enigma a été vaincu, mais provisoirement. En effet, fin décembre 1938, coup dur, les Allemands perfectionnent une nouvelle fois Enigma. Et comment, là, cette fois-ci? En ajoutant deux rotors à l'intérieur de la machine. Et d'un seul coup, le nombre de combinaisons possibles se chiffre en milliards de milliards. Ouais. Et Rejewski n'arrive pas à suivre? Ben, il faudrait aligner des dizaines de bombes et donc disposer de moyens matériels considérables. Dans le même temps, autre catastrophe, Hans Thilo Schmidt rompt le contact avec son agent traitant du renseignement français. Mais pourquoi? Je ne sais pas exactement. J'imagine qu'à l'approche de la guerre, les nazis doivent renforcer les mesures de sécurité et Schmidt doit redoubler de prudence. Il préfère donc rompre. Mais ça tombe au plus mauvais moment. Et d'abord pour les Polonais qui sont désormais dans l'impossibilité de découvrir ce que les Allemands préparent contre eux. Alors les événements vont se précipiter. Oui, fin avril 39, Hitler dénonce le pacte de non-agression avec la Pologne. Il est clair que tôt ou tard, le pays sera envahi. Et les services polonais prennent une décision lucide et courageuse dont les conséquences seront considérables. Mais quelle décision, là? Le patron du bureau polonais du chiffre, le major Langer, invite ses homologues français et britanniques à venir le voir à Varsovie. Aussitôt, les meilleurs cryptanalystes de nos deux pays répondent à cette convocation. Et là, stupéfait, ils découvrent les travaux de Rejewski. Parce qu'ils n'étaient pas au courant des avancées des Polonais. Non. Que voulez-vous, dans les services, la coopération entre alliés a parfois des limites. Mmh. Enfin, dans l'urgence, les Polonais choisissent enfin de tout révéler. Ils font une démonstration du fonctionnement de la bombe de Rejewski et ils remettent aux Français et aux Britanniques des exemplaires d'Enigma. Ouais, c'est très courtois, mais ça ne sert pas à grand-chose, puisque vous m'avez dit que les Allemands avaient perfectionné leur machine et que les Polonais n'avaient pas réussi à suivre. C'est vrai, vous avez raison. Mais en donnant ces énigmas, et donc en ne permettant pas qu'elles soient découvertes par les Allemands au moment de l'invasion, les services polonais passent en quelque sorte le relais à leurs collègues français et britanniques. Et surtout, ils leur donnent la preuve qu'Enigma, réputé inviolable, peut être vaincu, vous comprenez? Oui. Et ça va être suivi des faits? Tout à fait. Et d'abord, une nouvelle fois, grâce aux Polonais. Grâce aux Polonais, expliquez. Le 1er septembre 39, les panzers allemands se ruent sur la Pologne. Une partie de l'équipe du major Langer est capturée. Mais les cerveaux, et parmi eux, le génial Rejewski, parviennent à échapper aux envahisseurs, et après pas mal de tribulations, gagnent la France. Mmh, ils sont récupérés, je pense, par le bureau du chiffre. Et bien sûr, immédiatement, sans liaison avec le MI6 britannique, ils se mettent au travail. En essayant de venir à bout des perfectionnements introduits par les Allemands? Oui. Mmh. Et ils obtiennent des succès? Incontestablement. Au printemps 1940, cette équipe franco-polonaise réussit à décrypter plusieurs messages du haut commandement allemand. Mais patatras, juste avant de lancer leur offensive en France, les Allemands introduisent de nouvelles modifications. C'est-à-dire qu'au moment crucial, hein, le service de renseignement français ne dispose plus d'informations. C'est exact. Et une nouvelle fois, il faut fuir. Ouais. Mais est-ce que, après la débâcle, cette équipe franco-polonaise va continuer à travailler sur Enigma? Bien sûr. Plus ou moins clandestinement, crypto-analystes polonais et français réfugiés en zone libre dans un château du Gard poursuivent. Ils sont d'ailleurs rejoints par des spécialistes espagnols, des républicains, qui ont fui le régime de Franco. Et tous ensemble, ils arrivent à construire une bombe et à décrypter de nombreux messages allemands dont le contenu est aussitôt transmis à Londres par radio. Ça dure? Jusqu'en 1942, oui. Jusqu'au moment où Laval autorise des équipes allemandes de radiogoniométrie à agir en zone libre. Avertis à temps, tous ces spécialistes ont fui pour l'Afrique du Nord ou l'Angleterre et ont camouflé soigneusement leur matériel avant de partir. Ouais. Alors, en Angleterre, justement, où en était-on? Les Britanniques, il faut le reconnaître, après avoir découvert grâce à Rejewski que les secrets d'Enigma pouvaient être percés, ont pris la mesure de l'enjeu et ils ont mis le paquet. Le paquet, c'est-à-dire? Mais ils ont installé à quelques dizaines de kilomètres de Londres, à Bletchley Park, exactement, une vaste structure uniquement vouée à cette affaire. Ils ont recruté des mathématiciens, des crypto-analystes et même des spécialistes des mots croisés. Une sorte d'université dont le seul but était de vaincre Enigma. Ils ont repris les travaux de Rejewski? Naturellement. Là, il faut rendre hommage à un personnage exceptionnel, Alan Turing. Qui était-ce? Une sorte de génie, n'ayons pas peur des mots, un élève d'Einstein. Un mathématicien excentrique un peu bizarre, mais un authentique cerveau. Enfin, je vous passe le détail de ses recherches sur Enigma, mais le résultat, c'est qu'il a conçu dans le plus grand secret une énorme machine équivalente à plusieurs bombes de Rejewski. Et ça a fonctionné? Dès le mois d'août 1940, la machine de Turing s'est révélée capable de trouver une clé d'Enigma en moins d'une heure. C'était fantastique. La source ultra, comme l'ont baptisé les Britanniques, était désormais opérationnelle. Et elle allait jouer un rôle considérable tout au long de la guerre, puisque les communications militaires ennemies étaient maintenant transparentes. Et jamais Berlin n'a eu de soupçon? Non. Non, jusqu'au dernier jour de la guerre, Berlin n'a pas su que toutes ses communications militaires étaient décryptées. Ouais. Mais les Allemands n'ont-ils pas continué à perfectionner les énigmas et donc à poser de nouveaux problèmes aux Alliés? La Wehrmacht, non. Mais la Kriegsmarine, oui. Et là, nous revenons au film dont nous parlions au début de cet entretien. Les marins ont conçu une énigme encore plus sophistiquée afin de préserver le secret de leur communication entre sous-marins. Et les alliés ont été coincés. Mais parce que Turing et son équipe ont échoué à venir à bout de cette nouvelle machine? Oui, et le temps pressait car la bataille de l'Atlantique avait commencé et des dizaines et des dizaines de bateaux alliés étaient coulés chaque mois par les U-boats. Alors c'est vrai, on a recouru à l'espionnage classique. Que voulez-vous dire? Il fallait voler une machine et ses carnets de clés, c'était la seule solution. C'est ce qui a été fait? Oui. À ma connaissance, deux opérations au moins ont été menées. L'une contre un bateau météo dissimulé en chalutier et l'autre contre un sous-marin. Naturellement, pour que les Allemands ne nourrissent aucun soupçon, les deux bâtiments ont été coulés aussitôt après leur arraisonnement. Les énigmas capturés ont été envoyés à Bletchley Park et Turing s'est mis au travail. Ouais. Et c'est ainsi alors que les Alliés ont gagné la bataille de l'Atlantique? Mais là encore, je vous l'ai dit plus haut, il a fallu user de prudence. Grâce aux communications qu'ils émettaient, les sous-marins allemands étaient repérés, localisés. Mais il convenait d'attendre avant de les couler, toujours pour préserver le secret de la source ultra. Un dernier mot, si vous permettez. Oui, je vous en prie, hein. Anglais et Américains ont gardé le secret pour eux pendant presque 30 ans. Ça veut dire que l'autre grand allié, l'URSS, n'a jamais été informé. Et pourtant, Staline savait. Il a dû bien rire dans sa moustache. Et pourquoi? Parce que dans les services secrets britanniques, il y avait un certain Kim Philby. Et cet agent double n'a pas manqué d'informer ses maîtres soviétiques. Ultra n'avait pas non plus de secret pour l'URSS. Si vous vous intéressez à cette histoire, je vous recommande un magnifique ouvrage, L'histoire des codes secrets par Simon Singh, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Et j'en extrais cette anecdote qui aurait pu aussi inspirer Hollywood. Lorsqu'il s'est agi d'imaginer un plan pour voler les codes de l'énigme naval, Ian Fleming, le créateur de James Bond, a proposé le scénario suivant, je cite Simon Singh. Il suggéra de faire s'écraser dans la Manche un bombardier allemand déjà capturé à proximité d'un bateau allemand. Les marins allemands s'approcheraient alors pour sauver leurs camarades et l'équipage de l'avion, des pilotes anglais se faisant passer pour allemands, monterait à bord du bâtiment et s'emparerait des carnets de code. Ceux-ci portaient les renseignements nécessaires à l'établissement des clés et comme les bateaux étaient souvent éloignés de leur base pour de longues périodes, les carnets de code devaient servir au moins un mois. Bletchley pouvait donc déchiffrer tous les envois sur l'énigme naval pendant un mois. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec X. Et je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com. Vous pourrez y réécouter cette émission si vous le voulez.